Qu'est-ce que l'aura en spiritualité? 1. Introduction au concept d'aura. Dans le domaine de la spiritualité, le concept d'aura revêt une signification profonde. L'aura est souvent décrite comme un champ énergétique qui entoure et émane des êtres vivants, englobant leurs aspects physiques, émotionnels et spirituels. On pense qu'il contient des informations vitales sur l'état d'être d'une personne, notamment ses pensées, ses émotions et son bien-être général. Grâce à l'étude et à la compréhension de l'aura, les individus peuvent mieux comprendre leur propre voyage spirituel et se connecter aux forces invisibles en jeu dans l'univers. Cet article explore la nature et la composition de l'aura, son rôle dans la spiritualité, les techniques pour la percevoir et l'interpréter, ainsi que les moyens pratiques de nettoyer, guérir et exploiter son pouvoir dans la vie quotidienne. Définition de l'aura. Alors, qu'est-ce que cette chose mystérieuse appelée aura? Eh bien, considérez-le comme le champ d'énergie subtil qui entoure et émane d'une personne. C'est comme votre propre champ de force personnelle, mais avec un peu plus de piquant. Perspectives historiques sur l'aura. Le concept de l'aura n'est pas une idée nouvelle. Il a été reconnu et exploré dans diverses cultures à travers l'histoire. Les anciens Égyptiens, les Grecs et même les mystiques médiévaux avaient tous leur propre vision de l'aura. Et oui, même si vous n'êtes pas la réincarnation de Cléopâtre, vous pouvez toujours participer à l'action de l'aura. 2. Comprendre la nature et la composition de l'aura. Champ d'énergie et aura. L'aura est une question d'énergie. Il est constitué de champs électromagnétiques qui, bien qu'invisibles à l'œil nu, peuvent être ressentis et interprétés par les connaisseurs. C'est donc comme une soirée disco cachée qui se déroule tout autour de vous. Les couches de l'aura. Tout comme un délicieux gâteau en couches, l'aura est composée de différents niveaux ou de couches. Ces couches peuvent varier en épaisseur et en éclat, un peu comme le rapport glaçage, gâteau dans le gâteau que nous venons de mentionner. Chaque couche correspond à différents aspects de votre être, de votre santé physique à votre croissance spirituelle. Les chakras et leur connexion à l'aura. A. Les chakras. Ces centres énergétiques situés le long de votre colonne vertébrale entretiennent une relation particulière avec l'aura. Ils sont comme des centrales électriques qui entretiennent votre aura. Lorsque vos chakras sont équilibrés et bourdonnent, c'est comme une exaltation pour votre champ énergétique. 3. Explorer la signification de l'aura dans la spiritualité. L'aura comme reflet du bien-être spirituel. Votre aura est comme une bague d'humeur spirituelle. Cela peut vous donner un aperçu de votre bien-être général, tant spirituel qu'émotionnel. C'est comme avoir votre propre pom-pom girl personnelle, agitant des pompons lorsque vos vibrations sont élevées et vous donnant un léger coup de coude lorsqu'il est temps de réfléchir sur vous-même. Lien entre l'aura et la conscience. Votre conscience et votre aura vont de pair comme le beurre et la confiture. Votre aura est influencée par vos pensées, vos émotions et vos expériences, tout comme votre conscience. Ils ont un lien spécial, comme des jumeaux perdus depuis longtemps et séparés à la naissance. Ainsi, prendre soin de votre conscience, c'est comme offrir à votre aura une journée au spa. L'aura et la croissance spirituelle. Si vous cherchez à améliorer votre jeu spirituel, il est indispensable de prêter attention à votre aura. C'est comme une feuille de route pour votre voyage, vous guidant sur le chemin de la découverte de soi. En nourrissant et en élargissant votre aura, vous pouvez débloquer de nouveaux niveaux de croissance spirituelle et établir une connexion plus profonde avec le cosmos. 4. Techniques de perception et d'interprétation de l'aura. Développer la perception de l'aura. Alors, tu veux devenir détective d'aura? Ce n'est pas aussi farfelu qu'il y paraît. Avec de la pratique et une pincée de patience, Vous pouvez développer la capacité de percevoir les auras. C'est comme ajouter un super pouvoir à votre CV. Outils et méthodes de lecture de l'aura. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin d'une boule de cristal ou d'une baguette magique pour lire les auras, même si elles peuvent certainement ajouter une touche de style. Il existe différentes techniques que vous pouvez utiliser, de la méditation au travail énergétique, pour exploiter les secrets de l'aura. C'est comme jouer à cache-cache, mais avec des cachettes colorées et énergiques. Interpréter les couleurs et les motifs de l'aura. Une fois que vous avez repéré une aura, il est temps de déchiffrer son code secret. Les couleurs et les motifs de l'aura peuvent donner un aperçu des émotions, de la santé et de l'état spirituel d'une personne. Pensez-y comme à décoder votre propre puzzle rempli d'énergie. Alors, enfilez votre chapeau de détective et préparez-vous à une enquête sur l'aura. 5. Les couleurs et significations de l'aura. Comprendre le symbolisme des différentes couleurs d'aura. Vous savez, quand vous entrez dans une pièce et que vous pouvez simplement ressentir les vibrations, eh bien, c'est un peu comme ça que fonctionne l'aura. C'est comme la bague d'humeur de votre âme. On pense que différentes couleurs de l'aura représentent différents aspects de votre personnalité et de votre énergie. Par exemple, une aura rouge vif peut indiquer la passion et l'énergie, tandis qu'une aura bleue apaisante peut suggérer la tranquillité et l'intuition. C'est comme si votre aura dégageait son propre petit spectacle de lumière. Explorez la signification émotionnelle et énergétique des couleurs de l'aura. Les couleurs de votre aura peuvent également donner un aperçu de votre état émotionnel et énergétique. Ainsi, si vous voyez beaucoup de couleurs grises ou troubles dans votre aura, cela peut signifier que vous vous sentez un peu déprimé ou que vous portez une énergie négative. D'un autre côté, si votre aura rayonne de couleurs vives et éclatantes, cela pourrait signifier que vous vous sentez heureux et plein d'énergie. C'est comme si votre aura était votre propre thermomètre émotionnel personnel. Comment les couleurs de l'aura peuvent changer et fluctuer? Voici le problème avec les auras, elles ne sont pas gravées dans le marbre. Votre aura est une force dynamique et en constante évolution. Cela peut changer et fluctuer en fonction de votre humeur, de votre santé et de vos expériences. Alors, ne soyez pas surpris si votre aura change de couleur comme un caméléon en voyage psychédélique. Tout cela fait partie de la nature belle et mystérieuse de l'aura. 6. Comment nettoyer et équilibrer votre aura? Technique de purification de l'aura. Parfois, nos auras peuvent devenir un peu crasseuses à cause de tous les débris émotionnels et énergétiques que nous ramassons tout au long de la journée. C'est pourquoi il est important de les nettoyer de temps en temps. Vous pouvez imaginer cela comme si vous preniez une douche spirituelle. Des techniques telles que l'application de sauge, la prise de bain de sel ou la visualisation d'une cascade de lumière pure qui vous envahit peuvent aider à purifier et rafraîchir votre aura. Éliminer les énergies négatives de l'aura. Les énergies négatives peuvent s'accrocher à nos auras comme cet ami qui dépasse toujours son accueil. Pour les expulser, vous pouvez essayer des exercices de visualisation, comme imaginer un bouclier protecteur autour de votre aura qui repousse la négativité. Vous pouvez également utiliser des cristaux, comme la tourmaline noire ou l'améthyste, pour absorber et transmuter les ondes négatives. C'est comme donner à votre aura un petit entraînement d'autodéfense. Méthode pour équilibrer et renforcer l'aura. Tout comme un entraînement pour votre âme, il existe des moyens de renforcer et d'équilibrer votre aura. La méditation est comme un entraîneur personnel pour votre aura, vous aidant à trouver la paix et l'harmonie intérieure. La guérison sonore, grâce à des techniques comme le chant ou l'écoute de fréquences spécifiques, peut également aider à réaligner et à rétablir l'équilibre de votre aura. C'est comme une journée spa pour votre champ énergétique. 7. Guérir et améliorer l'aura grâce à des pratiques spirituelles. Utilisez la méditation pour guérir et aligner l'aura. La méditation ne sert pas seulement à trouver votre zen intérieur. Cela peut également être un outil puissant pour guérir et aligner votre aura. En apaisant l'esprit et en vous tournant vers l'intérieur, vous pouvez créer un espace permettant à votre aura de se rajeunir et de se réaligner. C'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation de votre système énergétique. La guérison sonore et son impact sur l'aura. En matière de guérison de l'aura, le son peut être un super héros. À l'aide d'instruments comme des bols chantants ou des diapasons, des fréquences spécifiques peuvent être utilisées pour résonner et stimuler l'aura, aidant ainsi à rétablir l'équilibre et l'harmonie. C'est comme donner à votre aura un petit massage sonique. Les cristaux et leurs propriétés pour la guérison de l'aura. Les cristaux sont comme les fées marraines de la guérison de l'aura. Chaque cristal a ses propres propriétés uniques et, lorsqu'il est utilisé intentionnellement, il peut exercer son pouvoir magique sur votre aura. Les cristaux comme le quartz rose, le quartz clair ou la sélénite sont connus pour leur capacité à nettoyer, équilibrer et améliorer l'aura. C'est comme avoir votre propre équipe personnelle de super-héros énergiques. 8. Exploiter le pouvoir de l'aura au quotidien. Utilisez l'aura pour améliorer l'intuition et les capacités psychiques. Votre aura est comme votre antenne spirituelle, captant toutes sortes d'énergies et d'informations subtiles. En étant à l'écoute et en prêtant attention à votre aura, vous pouvez améliorer votre intuition et vos capacités psychiques. C'est comme avoir un super pouvoir secret qui vous aide à naviguer dans la vie. Protéger et protéger l'aura des influences extérieures. Tout comme vous ne sortiriez pas sous une tempête de grêle sans parapluie, il est important de protéger votre aura des influences extérieures. Des techniques telles que la visualisation, la fixation de limites énergétiques ou le port de cristaux protecteurs peuvent aider à protéger votre aura des énergies négatives ou des influences indésirables. C'est comme si vous donniez à votre aura son propre petit champ de force. Embrasser et rayonner une énergie positive à travers l'aura. Votre aura est comme votre carte de visite énergétique. Les vibrations que vous dégagez peuvent avoir un effet d'entraînement sur le monde qui vous entoure. En cultivant l'énergie positive au sein de votre aura, vous pouvez créer un effet d'entraînement de positivité et d'amour. C'est comme être un rayon de soleil ambulant, répandant de bonnes vibrations partout où vous allez. Et voilà, l'aura en un mot. C'est comme votre propre empreinte énergétique personnelle, changeant et reflétant constamment votre monde intérieur. Alors, allez-y et embrassez votre aura, car vous êtes fait d'une matière vraiment vibrante et magique. En conclusion, l'aura sert de puissante passerelle vers la compréhension et la connexion avec notre moi spirituel. En plongeant dans les profondeurs de ce champ énergétique, nous pouvons débloquer des connaissances profondes, guérir et équilibrer notre être et améliorer notre voyage spirituel. Que ce soit en percevant les couleurs et les motifs, en utilisant des techniques de nettoyage et d'équilibrage ou en utilisant des pratiques spirituelles, adopter le pouvoir de l'aura peut entraîner une transformation et une illumination. Alors embarquons-nous dans ce voyage d'exploration et exploitons le potentiel illimité de notre aura, lui permettant de nous guider vers une existence plus harmonieuse et épanouissante. Les couleurs de l'aura et leur signification. L'aura est souvent décrite comme un arc-en-ciel d'énergie vibrante et chaque couleur qu'elle présente est considérée comme une indication subtile de l'état émotionnel, mental et spirituel d'un individu. Voici les principales couleurs de l'aura et leur signification dans différents systèmes spirituels. 1. Le bleu. Le bleu est l'une des couleurs les plus courantes de l'aura et est souvent associée à la sérénité, à la paix intérieure et à la communication harmonieuse. Une aura bleue brillante peut indiquer une personne calme, aimante et ouverte à l'expression de ses émotions. Elle peut également être le signe d'une communication claire et empathique, favorisant des interactions harmonieuses avec les autres. 2. Le violet. Le violet est étroitement lié à la spiritualité, à la transformation et à la connexion avec le divin. Une aura violette intense peut indiquer une personne profondément spirituelle, possédant une grande sagesse intérieure et une ouverture d'esprit pour explorer les mystères de l'univers. C'est souvent la couleur associée aux personnes qui pratiquent la méditation et la recherche de l'illumination spirituelle. 3. Le vert. Le vert est généralement associé à la guérison, à la croissance et à l'harmonie avec la nature. Une aura verte lumineuse peut indiquer une personne en bonne santé, à l'écoute de ses besoins physiques et émotionnels, et capable de guérir elle-même et les autres. Cette couleur est souvent présente chez les personnes qui ont un lien profond avec la nature et qui se sentent en harmonie avec l'environnement qui les entoure. 4. Le jaune. Le jaune est lié à l'intellect, à la créativité et à la joie de vivre. Une aura jaune éclatante peut indiquer une personne intellectuellement stimulée, joyeuse et optimiste dans sa vision de la vie. Elle peut également être présente chez les personnes qui ont un esprit créatif et une grande curiosité pour le monde qui les entoure. 5. Le rouge. Le rouge est souvent associé à l'énergie, à la passion et à la vitalité. Une aura rouge vive peut indiquer une personne énergique, passionnée et déterminée dans ses actions. Elle peut également être le signe d'une grande vitalité physique et d'une force intérieure pour surmonter les défis de la vie. 6. Le rose. Le rose est lié à l'amour, à la compassion et à la douceur. Une aura rose douce peut indiquer une personne aimante, compatissante et ouverte à donner et à recevoir de l'amour. Elle peut également être le signe d'une sensibilité émotionnelle et d'une grande affection pour les autres. 7. Le blanc. Le blanc est souvent associé à la pureté, à la clarté et à la transcendance. Une aura blanche lumineuse peut indiquer une personne en quête de vérité spirituelle, de connaissance et de connexion avec l'univers. Elle peut également être présente chez les personnes qui pratiquent la méditation et cherchent à transcender les limites de la réalité matérielle. 8. Le noir. Le noir est une couleur complexe dans l'aura, souvent associée à la protection, à l'introspection et à la transformation. Une aura noire peut indiquer une personne en période de transition, cherchant à guérir des blessures émotionnelles ou à se protéger des influences négatives. Elle peut également être le signe d'une introspection profonde et d'un processus de transformation intérieure. 9. Les couleurs arc-en-ciel. Dans certaines pratiques spirituelles, une aura présentant un spectre complet de couleurs arc-en-ciel est considérée comme un signe d'harmonie spirituelle et d'équilibre. Cela indique souvent une personne qui embrasse toutes les facettes de son être et qui est en harmonie avec les différentes dimensions de sa vie. FAQ 1. Tout le monde peut-il percevoir l'aura? Non, tout le monde ne peut pas percevoir l'aura. La perception de l'aura est souvent associée à des capacités psychiques ou intuitives particulières. Certaines personnes prétendent avoir la capacité de voir ou de sentir les auras qui entourent les individus, mais ces compétences ne sont pas universelles. Pour la plupart des gens, percevoir l'aura est une expérience rare ou inexistante. 2. Comment puis-je purifier mon aura? La purification de l'aura est une pratique courante dans certaines traditions spirituelles et de bien-être. Voici quelques méthodes couramment utilisées. Méditation. La méditation peut aider à calmer l'esprit et à équilibrer l'aura. Nettoyage énergétique. Certains praticiens utilisent des techniques telles que le Reiki pour nettoyer et équilibrer l'aura. Cristaux. Certains cristaux, comme la sélénite, sont réputés pour aider à purifier l'aura. Sauge blanche. La fumigation de sauge blanche est une pratique de purification courante. 3. Existe-t-il des couleurs spécifiques associées à certaines émotions ou traits? Oui, dans certaines traditions ésotériques et de bien-être, on associe souvent des couleurs spécifiques aux émotions et aux traits de caractère. Par exemple, le rouge peut être associé à l'énergie, à la passion ou à l'amour. Le bleu est souvent lié à la tranquillité, à la communication et à la spiritualité. Le vert est associé à la guérison, à l'équilibre et à la croissance. Le jaune est souvent lié à la joie, à la confiance en soi et à l'intellect. Ces associations peuvent varier en fonction des systèmes de croyances individuelles et des cultures. 4. L'aura peut-elle changer avec le temps? Oui, selon de nombreuses croyances, l'aura d'une personne peut changer avec le temps en fonction de son état émotionnel, mental, physique et spirituel. Par exemple, si une personne travaille sur sa croissance personnelle et sa spiritualité, son aura pourrait devenir plus lumineuse et plus équilibrée. De même, des émotions négatives ou des traumatismes peuvent influencer l'aura d'une manière moins favorable. Page 45, nous allons voir comment percevoir et interpréter l'aura. Page 45.